ni tera oni wase tuende longo dogo eme de mule manaka dipita lende mese mese mele olo moti betambi basi le mufe ubeni tera oni wase tuende longo dogo eme de mule manaka dipita lende mese mese mele olo moti betambi basi le mufe uba mona oni wase ameya de la longa e c'est ta bien sage son doudou tiens à toi au salajima weli sane du tawase uba mona oni wase ameya de la longa e c'est ta bien sage son doudou tiens à toi au salajima weli sane du tawase yebwa mbi ya maboso o sale o takane o Minha mongo misuka, otimba o benemina Bukana, o basele Pene wase, ye o onatue Uba mona oni wase, ameya de la lunga e Seto beso nyo sandudu o, jana tue o salajima Weli sane duta wase Uba mona oni wase, ameya de la lunga e Seto beso nyo sandudu o Jana tuwe usalajima, weli sane tutawase Jana tuwe usalajima, weli sane tutawase.